les Hauts-de-France, tout près de Lens, un petit garçon rêvait d'un ballon rond. Il serait joueur de foot, ça ne faisait aucun doute. Après courrière, sa première licence, c'est l'équipe première au RC Lens. Toujours fier de gagner, en pensant à son père. Sicora est toujours là, hein, quand le Racing part au combat. Numéro 2 sur le match. Sans et or, il n'y a rien à faire.